Des glaces, des larmes, des sons, des larmes, des blocs, c'est chaud, chaud. La haine les fouille, la peine les douille, des fois c'est trop, trop. Je regarde la lune depuis ma tour, je me dis que c'est oh, oh. Tu me dis que t'es là, que t'es prêt à tout, je me dis que c'est faux, faux. Ça t'appelle frérot, veut t'écarteler. Croire en leurs paroles, c'est des barres de rire. On fume tes remparts, passe les barbelés. Pas de coalition, vaut mieux s'abstenir. Aider mon prochain pour qu'il joue le con. Non merci, ça ira, va t'au fou le camp. Je veux pas voir mon cadavre dormir sous le pont. Vivre en autarcie, j'y pense tout le temps. T'es mal à défense, t'es mal et parade. C'est le calme plat depuis l'esplanade. Si t'es tranquille, je suis tranquille. Si tu fais le fou, ça devient l'escalade. Moi je voulais le monde, pas qu'une part de terre. Des putains d'épaules pour y parvenir. Pose lingot sur la table, on est partenaire. C'est moi le clan, fuck d'appartenir. Il me faut la paix, il me faut une perda. S'ils parlent beaucoup devant un Glock, ils font les pétards, c'est marrant. On casse la puce car toi t'insistes trop. Ils vendent à perte, ils font les 6 gros. C'est marrant. Ils veulent ton bien lorsque t'es en chien. Mais si t'es bien que tu retombes dans la merde. Ils aiment ton plan que si t'es dans le sien. Comment faire la guerre sans ne jamais la perdre. T'as commencé, y'a plus d'accord de paix. Pas besoin de renfort, te trait. Fais pas le nerveux, on va te suspendre comme un porte-clés. Des glocks, des larmes, du sang, des larmes, des blocs, c'est chaud. La haine les fouille, la peine les douille, des fois c'est trop. Je regarde la lune depuis ma tour, je me dis que c'est haut. Tu me dis que t'es là, que t'es prêt à tout, je me dis que c'est faux. Des glocks, des larmes, du sang, des larmes, des blocs, c'est chaud. La haine les fouille, la peine les douille, des fois c'est trop. Je regarde la lune depuis ma tour, je me dis que c'est haut. Tu me dis que t'es là, que t'es prêt à tout, je me dis que c'est faux.